France Inter, franceinter.com. Attention, message personnel, panique au Mangin Palace. Je répète, panique au Mangin Palace. Ah ah, nous revoilà. C'est donc la panique en direct du Mangin Palace, épisode 123. Bienvenue à toi dans ce monde archi-loufoque et total foutraque, où l'élégance se mélange au n'importe nawak, le tout dans une farandole de volutes sonores orchestrée par une bande de doux dingues. La machine est prête et a priori, nous serions ce matin, selon le grégorien, le dimanche 1er juin 2008, 11h06. Bonjour à toi, l'ami. Cette semaine, dans Panique au Mangin Palace, tu es cancan de tabloïd. Tu es téléphone arabe, tu es langue de vipère, tu es brouhaha, tu es le bruit qui court et tu es aussi... La rumeur, c'est le glaive merdeux souillé de germes épidémiques que brandissent dans l'ombre les impuissants honteux. Elle se profile à peine au sortir des égouts pour vomir ses miasmes poisseux au brouillard crépusculaire des hivers bronchiteux. Oui, tu l'as bien compris, l'ami. Ce matin, il n'y a pas de fumée sans feu, tu es ragose et commérage. Alors, en ce moment, malgré les propos rassurants du gouvernement, les rumeurs vont bon train. Ainsi, on dit que le prix du carburant aurait augmenté ces derniers temps, tout comme, soi-disant, le salaire des patrons du CAC 40. Il paraît également que la culture sur France 2 serait confiée à Julien Courbet. Et enfin... Ah non, ça ce n'est pas une rumeur, c'est bien la fin des 35 heures. Eh bien, face à l'afflux de ces informations de concierge, la panique au Mangin Palace a donc décidé cette semaine, durant 53 minutes, de remuer les rumeurs. Et pour commencer nos cancans dominicaux, des indiscrétions de salon aux médisances des lieux d'aisance, il faut revenir sur ce que peut être la rumeur publique. Ensuite, nous tenterons de tordre le cou à ces calomnies néfastes qui viennent entraver la dynamique de notre joyeux gouvernement. Et dans la foulée, justement, nous constaterons, malgré les rumeurs, que nos athlètes sont prêts à aller défendre les choix politiques de la France aux Jeux Olympiques de Pékin. Et puis, nous tendrons l'oreille pour entendre les déconcertants bruits qui courent dans les coursives du Parti Socialiste. Et enfin, nous prendrons la direction de Grosboule-les-Bains, où nous retrouverons bien sûr Monique et Jean-Claude, qui ont dû affronter cette semaine les grosses médisances de leur voisinage. Allez, c'est parti, c'est la panique en direct du Mangin Palace, alors bien sûr, monte le son et pars à la recherche du King. Bright lights, city, gonna set my soul, gonna set my soul on fire. Got a whole lot of money that's ready to burn, so get those stakes up higher. There's a thousand pretty women waiting out there. They're all living the devil may care, and I'm just a devil with love to spare. So viva Las Vegas, viva Las Vegas. How I wish that there were more than the 24 hours in the day. Even if there were 40 more, I wouldn't sleep a minute away. Oh, there's blackjack and poker and the roulette wheel, a fortune won and lost on every deal. All you need is a strong heart and a new steel. Viva Las Vegas! Viva Las Vegas! Viva Las Vegas with your neon flashing and your one-armed bandits crashing. All those hopes down the drain. Viva Las Vegas turning day into nighttime, turning night into daytime. If you see it once, you'll never be the same again. I'm gonna keep on the run, I'm gonna have me some fun. If it costs me my very last dime. If I wind up broke, well, I'll always remember that I had a swing in time. I'm gonna give it everything I've got. Lady luck, please let the dice stay hot. Let me shoot a seven with every shot. Viva Las Vegas! Viva Las Vegas! Viva Las Vegas! Viva Las Vegas, lieu de stupre et de débauche, encensé en 1964 par Elvis Presley qui, comme chacun sait, est toujours vivant bien sûr. À propos du King d'ailleurs, il existe également une autre rumeur ici à France Inter. En effet, on dit que Nicolas Demorand serait le plus grand fan français d'Elvis Presley. Information à vérifier. Une rumeur, c'est une information non vérifiée qui circule. Non vérifiée, ça ne veut pas dire faux. Alors ce matin, la panique au Mangin Palace, toujours aussi commère et cancanière, a donc décidé d'explorer, en ta compagnie bien sûr, l'univers obscur des nouvelles informelles, des informations sans vérification et des ragots peu ragoûtants. Car en effet, la rumeur sournoise s'insinue au quotidien dans notre entourage et pollue parfois nos petites existences. Bonjour, voilà, je téléphone parce qu'aujourd'hui c'est la fête des voisins, donc tout le monde va se ramener en bas dans la cour avec une salade de riz et une bouteille de champagne. Tout le monde peut venir. Par contre, il y en a un que s'il descend, ça va mal terminer en notre boudin, c'est Pignouls. Tu m'entends, toi, le voleur d'électricité qui se branche sans demander. Hein? Tu jures sur la tête de ma mère, Pignouls, tu descends. Là, ça va mal se terminer, ça va être là-bas dans la tête. Et au fait, je vais te demander, c'est combien ta femme pour une heure avec elle? Parce que je crois qu'elle fait des passes, la pute. Hein? C'est combien? Si tu descends, je te crève, sale chien. Oui. En effet, monsieur et madame Pignouls voudraient mieux pas qu'ils descendent à cette petite fête sympathique organisée par leurs voisins, qui sont d'ailleurs les meilleurs spécialistes du sanglier de 2 à 3 ans, autrement dit le ragot, bien sûr. La rumeur peut donc se développer dans le cadre restreint d'un immeuble ou d'un quartier, voire au sein du noyau familial. Mais elle peut également prendre de l'ampleur. Il s'agit alors d'un phénomène de société. C'est la rumeur publique qui se nourrit des préjugés, de la méconnaissance et des stéréotypes, comme te l'expliquait en 1936 Léon Blum, le tout nouveau président du Conseil du Front Populaire, qui critiquait à l'époque le French Cancan. On a fait courir sur notre peuple de France un vilain royaume. On répète volontiers qu'un Français fait plus volontiers le don de sa personne que de son bien, qu'il s'enthousiasme volontiers pour toutes les idées, fussent les plus généreuses ou les plus hardies, mais qu'un instinct égoïste l'arrête dans son élan à l'instant précis où commencerait pour lui le sacrifice matériel. Je pense que c'est une calomnie et toute notre histoire en porte témoignage. Léon Blum, un peu idéaliste tout de même, critiquait ainsi, lors de son arrivée au pouvoir en 1936, les calomnies insinuant qu'un Français ferait plus volontiers le don de sa personne que de son bien. La suite lui prouva que non. Mais Léon Blum avait déjà parfaitement compris que la rumeur peut devenir une nauséabonde arme idéologique. Les protocoles se présentent comme le compte-rendu d'une réunion secrète au cours de laquelle les sages de Sion, un comité composé de juifs du monde entier, annoncent leur plan machiavélique pour prendre le pouvoir dans le monde. Les protocoles sont dangereux parce qu'ils semblent confirmer un certain nombre de rumeurs qui courent depuis plus de 20 siècles sur les juifs. Officiellement, l'histoire des protocoles commence il y a un siècle environ dans la Russie du tsar Nicolas II. En 1905, Sergueï Nilus, écrivain mystique orthodoxe, est le premier à les publier en annexe à l'un de ses propres livres. Pendant quelques années, le texte vivote dans les milieux mystico-religieux et nationalistes russes où les antisémites sont légion. Et quand en juillet 1918, le tsar Nicolas II est assassiné avec toute sa famille à Ekaterinbourg, le meurtre est immédiatement interprété par les Russes blancs comme crime rituel juif. Les protocoles des sages de Sion ont beau être complètement étudiés par les historiens, qui connaissent tout de cette imposture antisémite du XIXe siècle, il n'en reste pas moins qu'aujourd'hui ces idées fielleuses circulent encore. Car en effet, la rumeur se nourrit des démentis portés contre elle, selon l'adage qu'il n'y aurait pas de fumée sans feu. Ainsi, une fois la rumeur lancée, il est bien difficile de l'arrêter, surtout quand elle s'associe à la paranoïa du complot. Marion Cotillard, victime d'une mauvaise polémique. Il y a un an, la jeune actrice avait été interviewée par la chaîne Paris Première. Au cours de l'émission, la future oscarisée disait avoir des doutes quant à la version officielle des attentats du 11 septembre. Je pense qu'on nous ment sur énormément de choses, Coluche, le 11 septembre. J'ai tendance à être plutôt souvent de l'avis de la théorie du complot. On peut voir sur internet tous les films du 11 septembre sur la théorie du complot, c'est passionnant, c'est même addictif. Et la polémique a traversé l'Atlantique. Le Los Angeles Times emploie un ton qui semble remettre en cause la santé mentale de l'actrice et le Daily Telegraph pose la question des effets de ses révélations sur sa carrière américaine. Ah, la pauvre Marion Cotillard, qui a reçu l'Oscar d'Edith Piaf et qui, immédiatement après, a subi la rumeur de son soutien à la rumeur. Il est d'ailleurs à noter que bien souvent, les stars et les starlettes souffrent de ragots exaspérants. Et pour cela, il n'est qu'à citer les prénoms de Marilyn, de Britney, de Monica, de Flora ou de Pablo. Pablo Picasso, l'on a dit et l'on a écrit à un certain moment, il y a quelques semaines je crois d'ailleurs, que vous aviez l'intention de quitter la Côte d'Azur, est-ce exact? Non, cette nouvelle est tout à fait complètement folle, n'est-ce pas? J'ai jamais pensé à avoir une maison à Rome, et même on m'aurait donné une maison à Rome, et probablement je n'aurais pas été à Rome, parce que je travaille et que je n'ai pas le temps de me déplacer tous les jours d'un jour à l'autre. Et voilà, dès qu'on est un peu connu, on est potentiellement victime de la rumeur qui se propage, le plus souvent de manière téléphonique, et arabisante. Le pharmacien l'a dit à la bouchère, et la bouchère l'a dit au cantonnier. Le cantonnier l'a dit à monsieur le maire, et monsieur le maire l'a dit au charcutier. Le charcutier l'a dit au chef de gare, le chef de gare l'a dit au père Camus. Le père Camus l'a dit à la fanfare, et c'est comme ça que tout le pays l'a su. Et tout le pays l'a su, c'est surtout ce qui se passe quand les médias évoquent cette rumeur, non pas pour la propager, mais seulement pour la démentir. Avec ses longs cheveux bruns et une veste couleur émeraude, Isabelle Adjani avait décidé de venir hier soir en direct devant les caméras d'une télévision, la première chaîne, pour rassurer les gens. Elle est repartie en embrassant sur le plateau le présentateur Bruno Mazur. Toute cette mise en scène n'avait qu'un seul but, en finir avec la rumeur d'un sida qui aurait tué l'actrice. Ce bruit ridicule qui court de Marseille à Paris en passant par Montpellier est sans fondement. Le professeur Villet, le président de l'Ordre des médecins, a annoncé un bilan de santé convenable pour Isabelle Adjani, qui s'en est pris ensuite sur TF1 à ceux qui font le malheur des autres en colportant à plaisir la rumeur des autres. Une rumeur ne va jamais empêcher les gens d'être malades, d'être maltraités, d'être traités comme des parias parfois, surtout en ce qui concerne le sida, et les empêcher de mourir. Alors je crois qu'il faudrait les respecter et puis arrêter de trouver des faux malades parce qu'il y en a déjà trop de vrais. Ainsi, Isabelle Adjani s'est volontairement exposée au journal de 20h pour contrer la rumeur qui la frappait. Et paradoxalement, après son intervention, on est passé de quelques millions de Français qui avaient entendu ces tristes ragots à la France tout entière qui était désormais au courant. Alors bien entendu, loin de nous d'imaginer que les médias diffusent parfois les rumeurs, et encore moins de sous-entendre que ce n'est pas pour les gros titres en noir ou pour la rubrique des sports que l'on achète le journal du soir. Ce n'est pas pour les gros titres en noir que j'achète mon journal du soir, ni pour la rubrique des sports, rubrique des sports. Je parcours d'un vague regard la plus grande part de mon canard, et je lis les potins d'abord, les potins d'abord. C'est fluctuant, mais c'est nature, cette sorte de littérature parlant des vivants, pas des morts, vivants, pas des morts. En se moquant de l'actualité, dans le seul but de l'égayer, ce qui fait battre des records au potin d'abord. Le potin ne fait pas de bruit, on le chuchote, on en sourit, et puis on l'oublie sans remords, l'oubli sans remords. On peut dormir loin des passions qui font déchirer les nations en lisant les potins d'abord, les potins d'abord. Les guerres, les crimes, les accidents, c'est commercial et ça se vend à la criée. Toute voile dehors, toute voile dehors. Le drame n'est pas un mets choisi pour aiguiser mon appétit. Je tourne la page et je dévore les potins d'abord. Supposons qu'un grand personnage occupe les premières pages, figé dans un même décor, un même décor. Dans la rubrique que je préfère, on le retrouve aux Folies Bergères, proclamant d'une voix de stentor, popotin d'abord. Les potins d'abord, c'est l'inoubliable Suzanne Gabriello qui nous offre une sympathique fantaisie en hommage à Georges Brassens, inoubliable joueur des trompettes de la renommée. A l'inverse, cette semaine à l'Élysée et à Matignon, il n'y avait pas beaucoup de place pour la fantaisie puisque pour Nicolas Sarkozy et pour François Fillon, ce fut surtout le Poutine d'abord. Alors maintenant, la clepsydre du Mangin Palace nous annonce soi-disant qu'il est à présent 11h21 et après avoir redéfini le spectre que couvre l'expression « rumeur publique », il est temps désormais d'essayer de tordre le cou aux calomnies fielleuses qui viennent entraver ces temps-ci la dynamique de notre joyeux gouvernement. Oui, mon ami, cessons de colporter les médisances et tentons plutôt de rétablir certaines vérités. Eh bien, dans son Barbier de Séville, Beaumarchais définit ainsi la calomnie. D'abord un bruit léger rasant le sol comme une hirondelle avant l'orage, pianissimo murmure et file, et sème en courant le trait empoisonné. Telle bouche le recueille et piano piano vous le glisse en l'oreille adroitement. Le mal est fait, il germe, il rampe, il chemine, et de bouche en bouche il va, le diable. Puis tout à coup, ne sait comment, vous voyez calomnie se dresser, siffler, s'enfler, grandir à vue d'œil et devient, grâce au ciel, un cri général, un crescendo public, un chorus universel de haine et de proscription. Qui diable y résisterait ? Eh oui, bien souvent, la calomnie revêt une telle puissance qu'il est impossible de lutter. Néanmoins, ce matin, la panique relève le défi et tente de s'attaquer aux médisances anti-gouvernementales. Primo, écrasons cette fichue rumeur, selon laquelle François Fillon serait très impopulaire dans l'entourage de Nicolas Sarkozy, car en vérité... C'est un des défauts de François Fillon. Il n'est pas populaire, il n'est pas respecté, il est limité, mais ça ne l'empêche pas d'être gentil. Mais pour un Premier ministre, c'est pas suffisant d'être juste gentil. Oh si, pour moi si. Parce que quand je vais lui prendre sa place de Premier ministre, il sera gentil avec moi. Et ça, c'est vraiment gentil de la part du gentil François Fillon. Mais à propos de François Fillon, comment vous expliquez sa baisse de popularité dans les sondages ? Je le prends comme un appel, un cri du cœur des gentils Français, qui tous ensemble, la main dans la main, scandent mon nom. Gentil Xavier Bertrand, sauve-nous et deviens Premier ministre. Oui, enfin, et il a juste perdu 3 points. Il y a tous ces gentils Français qui crient, Fillon t'es gentil, mais on connaît plus gentil que toi, je leur dis. Patientez, vous êtes gentil. Mais laissez le gentil Nicolas Sarkozy lui demander gentiment de dégager. Tu vois, alors que le canard enchaîné se répand en rumeurs dégueulasses chaque semaine quand il évoque une atmosphère soi-disant détestable entre Matignon et les proches du président, eh bien franchement, sache dorénavant que dans les plus hautes sphères de l'État, l'ambiance est plutôt à la gentillesse. De la même manière, on a tenté de nous faire gober que notre nouvelle première dame avait posé nue sur quelques photos. Là encore, balivernes et billevesées, et pour cause. Je me présente, Gérard Langue de Pute, chroniqueur à Bien Pensant Hebdo. À propos de Carla Bruni, hier je faisais pipi dans les toilettes d'un restaurant et debout en face de l'urinoir à côté du mien se trouvait Amanda Lear. Elle m'a dit, tu sais quoi, Carla Bruni, en fait c'est un mec qui s'est fait opérer. Il y en a qui marmonnent. Information à mettre au conditionnel, oui. Bien sûr. Je suis journaliste, moi, pas, pas écotier, pas écotier. Eh oui, tu découvres ainsi ce matin que les clichés de Carla Bruni nue ne pouvaient donc être authentiques. À nouveau une odieuse calomnie. Ensuite, dans l'Énéide, Virgile parle de la rumeur comme d'une messagère d'erreur et de vérité, car selon lui, la rumeur possède ces deux caractères, mais elle est tellement incontrôlable et fulgurante qu'on ne sait plus distinguer le vrai du faux. C'est aujourd'hui le gros problème de Rachida Dati, victime d'une insupportable litanie de « on dit ». C'est pourquoi, laissons-la elle-même faire le tri. On dit, quand je fais mes emplettes, que je paye pas ce que j'achète. C'est vrai. On dit, partout et l'on répète, que je lâche pas mes pépettes. C'est vrai. Mais s'il faisait comme moi, pour sa galette, Monsieur Sarrault n'aurait pas un budget aussi bas. Et si l'on mettait à la tête des finances distinguettes, on n'en serait pas là. Cela dit, le plus à plaindre dans cette arène des rumeurs, c'est sans aucun doute le chef de l'État lui-même. Quoi qu'il fasse, il est immédiatement suspecté. Tiens, lorsqu'il est allé rendre visite au souverain pontife, par exemple, on a dit « ouais, il est en train de faire le jeu du communautarisme religieux ». Alors qu'en réalité, sais-tu réellement pourquoi M. Sarkozy s'est rendu au Vatican ? Tout simplement pour aider Benoît XVI à élucider la disparition de Jean-Paul II. Le pape a été enlevé. Quelque temps après, un coup de téléphone des ravisseurs exigeait comme rançon que tous les catholiques du monde versent chacun un franc. Oui, c'est ce qui est un franc pour la libération du pape. Alors là, évidemment, on a le droit d'être un peu surpris. On peut penser que l'information a été vérifiée dans la mesure où le Vatican la donne pour exacte. D'autre part, cette façon d'exiger une rançon, un franc pour chacun des catholiques du monde entier, ça fait tout de même beaucoup. C'est la quête mise au service du gang. Et voilà pour l'instant les quelques informations que nous avons. Vous pensez bien que du côté de la rédaction, on doit enquêter et très rapidement maintenant. Donc restez à l'écoute et chaque détail, chaque information supplémentaire vous sera donnée directement à ce micro. Pour l'instant, on n'a pas de nouvelles des ravisseurs de Jean-Paul II. Mais M. Sarkozy, lui, il travaille jour et nuit. Autre dossier qui suscite moult rumeurs sur le dos du gouvernement, la vision du service public que défend le président. Eh bien là encore, il faut cesser de colporter n'importe quoi. Notamment, quant à l'audiovisuel public, car rassure-toi, les choses sont très claires. Je vous signale qu'après la privatisation de TF1, on parle également maintenant de la privatisation possible de certains secteurs de Radio France. Écoutez ce qu'en dit le rapporteur de la commission des lois sur l'audiovisuel, le député UDF Alain Lamassoure, au micro de Radio France Pays Basque. Je crois que l'avenir sera aux radios tout à fait privées. Juste une illusion, à peine une sensation, rien qu'une impression. Juste une illusion. Voilà une vieille rumeur. Régulièrement, on prédit que certaines stations du groupe Radio France seront privatisées. Impossible de vérifier la fiabilité de cette information. En revanche, le président nous a promis la suppression de 11 000 postes dans l'éducation nationale, et là... La rumeur gronde, tous les gars sont sortis. On sort les flashs pour n'importe quelle tâche. La colère monte et les mecs se lâchent. Il va y avoir du sport, mais moi je reste tranquille. Il va y avoir du sport. Il va y avoir du sport. Tranquille. Il va y avoir du sport. Il va y avoir du sport. Oui, malheureusement pour notre président, le bruit court que la rentrée sociale s'annonce torride. Mais bon, encore une fois, ce n'est qu'une rumeur et d'ici là, il y aura surtout les JO de Pékin. Alors, certaines mauvaises langues prétendent que nous aurions dû les boycotter, mais voyons plutôt comment les athlètes français, en pleine préparation justement, et malgré les a priori dont ils sont victimes, vont aller soutenir les positions gouvernementales en Chine. On découvre cela juste après le jingle. Ça me fait rire, ça me fait rire. Ça les amuse, ça les amuse. Allô ? Oui ? La régie. Est-ce que nous sommes à l'antenne ? Oui, je crois que la liaison a été faite. Je ah oui, en effet, c'est... Tout à fait. On nous fait signe, effectivement. Mon casque me fait dire que nous sommes à l'antenne. Voilà, alors bonsoir, nous sommes à nouveau à Virchengaden. Oui. Pour donc ce critérium interrégional des trophées d'athlétisme. Attention, je vous interromps, c'est parti. C'est un départ qui... Oh là là ! Aïe, que se passe-t-il ? Serait-ce à nouveau Satan Dimitte ? Je ne sais pas. Plutôt un claquage cuissal, comme ça peut arriver souvent. Ah là là là là. Je ne sais pas si on peut tout divulguer, mais je me suis... laisser dire que du côté de François Gerbier, oui, il y aurait plutôt un problème au niveau de la hernie, une sorte de hernie de l'entrecuisse. Ah, oui, tout à fait, mais là, nous entrons peut-être dans un domaine plus délicat, je pense. Oui, plus intime, dirais-je même. C'est certain, nous n'avons pas à divulguer, c'est un problème personnel, cela ne nous regarde pas. Tout à fait. Une tout hernie fait. Testiculaire, en tout cas, cela ne nous regarde pas. Non, chacun, bien évidemment, Jean-Paul a le droit d'avoir les hernies où il le veut. Tout à fait. Cela ne nous regarde pas. Mais là, j'aperçois... Attendez, j'aperçois Jean-Claude Poupon. Voilà les images. Une course prometteuse. Oui, Philippe. Oui, si tout à fait. Bien sûr, Jean-Claude est dans sa forme optimum. Nous l'espérons, car il est certain qu'après le divorce d'avec sa femme, si je puis me permettre, il peut avoir quelques problèmes. Mais cela ne nous regarde pas. Pour le moment, il s'échauffe. Il a l'air d'être en pleine forme. Voilà. Et ne laisse pas transparaître les problèmes sexuels d'avec sa femme. Mais enfin, cela ne nous regarde pas. Tout à fait, Hervé. D'autant qu'on ne pouvait soupçonner devant un... si belle athlète, quelques problèmes sexuels, car je me suis laissé entendre dire qu'Olin ne satisfaisait pas sa femme. Mais là, bon, on rentre dans un domaine, Hervé et Jean-Paul, qui ne nous regarde pas. Tout à fait, Philippe. En tout cas, la vie privée d'un athlète, ça se respecte, même si Jean-Claude a peut-être tout essayé en matière d'aphrodisiaque et autres prothèses. En tout cas, cela, je le précise, cela ne nous regarde pas. Et ce n'est certainement pas à nous de divulguer les ragots. Comme quoi il serait homosexuel. Cela ne nous regarde pas. Ce n'est pas du sport et ce n'est pas à nous, journalistes sportifs, de divulguer qu'il fréquente la boîte gay, le fucking Blue Boy. Ah tout bon. À fait. Cela ne nous regarde pas. Cela ne nous regarde pas. Qu'il prend ses précautions. L'antenne, oui, il faut qu'on rende Nous sommes dans les temps. Nous allons nous séparer tous les trois. Excusez-nous d'avoir quelque peu vilipendé sur des sujets qui ne nous regardent pas. Oui, bien sûr. Tout à fait. Ce sont des sujets, en effet, qui ne nous regardent pas. Absolument. Voilà. De toute façon, c'est pas grave puisque les téléspectateurs ne nous regardent pas. Last, c'est ce que rapportent les franchises du groupe The Do, parce que, et Tadaron te l'a déjà dit, c'est vilain de colporter des commérages dans The Do des gens. À ce qui paraît qu'il ne paraît rien du tout. Ça n'a jamais rien rapporté de s'occuper des affaires des autres. Et quand on parle toujours trop. Alors maintenant, à 11h34, et toujours en direct du Mangin Palace, la joyeuse panique jaseuse a décidé d'aller écouter, une oreille indiscrète, les bruits qui courent au Parti Socialiste. En effet, les ragots fusent depuis que, samedi en 8, Bertrand Delanoë a réuni dans la salle de la Mutualité à Paris ses partisans. Ainsi, assise au premier rang, il y avait là Daniel Vaillant, dont la rumeur dit qu'il aurait été un jour ministre de l'Intérieur. Il y avait aussi Anne Hidalgo, dont on dit qu'elle aurait un jour entraîné Michel Platini. Lionel Jospin, lui, un habitué de la rumeur, s'était égaré. Il y avait une bête dans les égouts de Paris. Les égoutiers ont failli marcher sur la queue d'un jeune crocodile en promenade. L'animal étant vigoureux, il a fallu appeler en renfort une dizaine de pompiers pour le maîtriser. Le crocodile a finalement été bâillonné, puis conduit au jardin des plantes où il grandira tranquille. C'est tout de même mieux que de terminer en sac à main. France Inter, 19h24, merci d'avoir écouté ce journal. C'était le journal de Patrice Bertin. Oui, bon, la légende urbaine des crocodiles dans les égouts, c'est un classique. Mais tout de même, Lionel, il a dû expliquer au capitaine des pompiers qu'il se rendait à la mutualité et qu'il ne faut pas toujours croire les vilaines rumeurs. Bon, vous faites allusion à cette rumeur qui était que j'étais mort. À Patreste, etc. Et c'est une rumeur, comme toutes les rumeurs, elle est impalpable, on ne sait pas vraiment d'où elle arrive. On ne sait pas comment l'arrêter. Mais ça fait rigoler ou c'est vraiment angoissant? Mais on passe par plein de phases complètement différentes qui vont de l'exaspération à la dérision. Mmh. Mais bon, j'en veux à personne. Je crois que les Français sont des incorrigibles romantiques. Les Français sont donc d'incorrigibles romantiques, se dit Lionel Jospin, qui se demande en revanche si les militants PS sont d'incompris libéraux. D'ailleurs, Lionel glisse à l'oreille de Bertrand Delanoë que dans son bouquin intitulé « De l'audace », écrit avec Laurent Geoffrin, avouer qu'il est libéral et socialiste, ça risque de faire jaser. La rumeur est entrée, la rumeur a parlé. Si tu veux savoir ce qu'elle a dit, apprends à lire sur les lèvres. Car elle parle de toi, elle dit n'importe quoi. Il paraît que tu n'es pas celui que l'on croyait que tu étais. Bertrand Delanoë rétorque à cette rumeur que non, il est bien socialiste et libéral, en tout cas tout autant que Laurent Fabius ou Dominique Strauss-Kahn. Pourtant, les ragots vont bon train et dans l'entourage de Ségolène Royal, on cancane déjà sur Bertrand Delanoë. En fait, qu'il soit libéral ne pose aucun problème à Ségolène. C'est cette autre rumeur, celle du soutien apporté par Lionel Jospin au maire de Paris, qui fait jaser. Quelqu'un se souvient de l'époque où c'était la grande mode d'avoir un bébé alligator chez soi ? Oui, et puis après, quand il prenait du volume, les gens les jetaient dans les WC. Ils vivent dans les égouts. Et il y en a qui font 9 mètres de long maintenant. Ils sont devenus aveugles et albinos à force de vivre dans le noir. Non, soyons sérieux. Il n'y a pas d'alligator dans les égouts. Pas du tout. C'est le genre d'histoire qu'on raconte en colonie de vacances autour d'un feu de camp ou au moment d'aller se coucher. Disons que toutes ces histoires appartiennent au folklore oral de notre époque. Elles sont le reflet inconscient des phobies inhérentes à notre société urbanisée. Ségolène Royal se méfie des sceptiques. Depuis bien des années, elle n'arrose plus de yucca, de peur d'y voir surgir une mygale. Elle n'entre jamais dans les cabines d'essayage à Orléans et elle répond méthodiquement à toutes les lettres des chaînes d'amitié, sinon sous 3 jours, elle connaîtrait le grand malheur. Et dans le duel qui s'annonce entre la dame blanche de Poitou-Charentes et le maire de Paris, Ségolène Royal a même tenté de lancer une rumeur contre Bertrand Delanoë. Il porterait soi-disant la poisse au sportif, puisqu'il n'a pas obtenu les JO 2012 et puisque cette année à Roland-Garros, il n'y a déjà plus de joueuses françaises sur les cours. Ce à quoi Bertrand a crié à la calomnie. D'ailleurs, il n'y a qu'à voir, il y a un mois tout juste, pour la finale de la Coupe de la Ligue de football, le Paris Saint-Germain a battu le Racing Club de Lens. Ça balance pas mal à Paris, ça balance pas mal. Ça balance pas mal à Paris, ça balance aussi. Ça balance pas mal à Paris, ça balance pas mal. Ça balance pas mal à Paris, ça balance aussi. Face aux rumeurs lancé contre lui par l'entourage de Ségolène Royal, Bertrand Delanoë a pareillement tenté de propager des ragots. Il paraît que la blanche colombe a 300 tonnes de plomb dans l'aile. Il paraît qu'il faut s'habituer à des printemps sans hirondelles. La belle au bois dormant a rompu les négociations. Bilatéralement, le prince entame des protestations. Comment ça ? Se dit Ségolène. Qu'est-ce que c'est que ces ragots ? Ce n'est rien qu'une... C'est ce qu'on appelle une légende urbaine. Rien à voir avec les fantômes. Une légende urbaine est une histoire inventée de toutes pièces que les gens répètent comme si elle était vraie. Comme le gars qui bouffe des tonnes de pop-corn en buvant du soda et son estomac explose. Ou comme cette histoire à dormir debout, le frère de Mindy a vu un moniteur de colo se coincer le bras dans un distributeur de boissons qui lui est tombé dessus. C'était pas du baratin. Et c'était un distributeur de barres glacées. Ou l'histoire de Bloody Mary. C'est quoi ça? Ben, il paraît que si tu vas dans la salle de bain, que tu éteins les lumières et que tu chantes Bloody Mary 3 fois en regardant le miroir, elle apparaît. Elle ressemble à un cadavre, c'est horrible. Si tu la regardes dans les yeux, t'es foutu. C'est même pas une vraie légende urbaine. C'est comme dans ce film Candyman. Moi, mon histoire, elle est vraie. Aussi vraie que les nouveaux nichons de ta mère. Bon, ben, c'est bonne ambiance dans le clan de Ségolène Royal, pour la bonne raison que, face au commérage, la ligne politique choisie est très claire. On s'en fout, laissons parler les gens. Laissons parler les gens, vas-y, vas-y. Laisse parler les gens. Vas-y, laisse parler les gens. Ainsi, face aux attaques, Ségolène Royal a décidé de ne pas s'occuper des rumeurs et de laisser parler les gens. C'est sans doute ça, la démocratie participative, laisser parler les gens au risque de les entendre propager des rumeurs. Mais du côté de Bertrand Delanoë, pas de souci non plus face aux potins, puisque Bertrand, il a été à très bonne école avec son ami Dalida. On dit que tu as l'accent qui roule, des chansons qui roucoulent. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai que tu es italienne de naissance égyptienne. C'est vrai. Eh oui, on peut bien dire ce qu'on voudra, mais il est nécessaire de prendre les gens comme ils sont. Pourtant, il faut parfois savoir corriger nos petites manies quand les potins deviennent trop critiques, comme à l'Élysée par exemple. Vous savez ce qu'on dit en ville? C'est du propre, c'est agréable. Mais qu'est-ce qui vous prend? Il me prend que l'on jase en ville, voilà, que l'on m'accuse de vivre comme un nabab, de sombrer dans le gaspillage, voilà. Bref, il paraît, mesdemoiselles, que vos lumières restent allumées jusqu'à une heure avancée de la nuit, et que certaines d'entre vous s'amusent à faire des ombres chinoises. Ça ressemble à quoi? Voulez-vous me le dire? Hein? J'ajoute que l'on compte parfois jusqu'à 11 fenêtres allumées en même temps. Et pourquoi? Hein? Pourquoi, je vais vous le dire. Parce qu'aucune de vous ne ferme les persiennes. Alors j'entends que désormais toutes les persiennes de cette maison soient fermées, voilà. Eh oui, effectivement, certains préfèrent vivre cachés pour échapper aux rumeurs. Mais hélas, c'est bien souvent le contraire qui se produit, car quand on ne voit pas ce qui se passe, on l'imagine. Alors pour lutter contre la rumeur, rien ne sert de s'éclipser, comme le fera d'ailleurs totalement la Lune en février 2009. Mais bon, ça, ce n'est pas une rumeur, c'est une certitude scientifique et ça, c'est dans 10 mois. Dis-moi, dis-moi, pourquoi tu veux pas? Tu as tort, je t'emmènerai en pays insensé. Je t'enverrai des vallées, des vallées. Avaler des rivières parfumées. Dis-moi, dis-moi, pourquoi tu veux pas? Tu as tort, je t'emmènerai en terrain inconnu. Te porterai au nu. Survolant des vertiges enchantés. Dis-moi, dis-moi pourquoi tu veux pas. Dis-le, dis-le, dis-le moi. Dis-moi, dis-moi pourquoi tu veux pas. Dis-le, dis-le, dis-le moi, moi, moi. Dis-moi, dis-moi pourquoi tu veux pas. Dis-le, dis-le, dis-le moi. Dis-moi, dis-moi pourquoi tu veux pas. Dis-moi, dis-moi, c'est ce que réclame cette commère de Maya Barsoni sur son album intitulé « Femmes d'extérieur » parce que Dominique Baudis comme Barsoni. La calomnie, je vais l'affronter face à face, les yeux dans les yeux, et je vais la prendre à la gorge. Alors maintenant, afin de prolonger notre exploration des conséquences du bavardage de l'homme qui a vu l'homme qui a vu l'ours, il est grand temps désormais à 11h45 de retrouver nos deux bougies imbéciles, nos deux concierges de Grosboules-les-Bains, Monique et Jean-Claude, bien sûr. Vois-tu, lundi dernier, Jean-Claude avait décidé de prendre en main sa propre promotion sociale, au grand étonnement d'ailleurs de ses collègues de boulot. Dis donc, JC, qu'est-ce qu'on raconte ? Il paraît que monsieur va devenir directeur des ventes. On parle que de ça dans les couloirs. Oh, mais c'est à cause du costard, surtout. Tu veux une leçon de psychologie ? Tu lances un bruit de chiottes. Ensuite, les gens, ils finissent par s'habituer, tu vois. Puis après, ils croient que c'est toi qui as le poste. Tu comprends ? T'apparais comme une évidence, t'as plus de concurrents. Et puis le patron signe ta nomination, et voilà. Oui, bien sûr. Et s'il signe pas ? Ah, mais signe, Serge. Ça, c'est parce que t'as pas l'instinct du commercial. Oui. Grâce à son instinct commercial de bluffeur, Jean-Claude espère ainsi décrocher le poste de directeur des ventes. Comme prévu, les rumeurs à ce propos font bon train. Encore un peu de patience, se dit Jean-Claude, et l'affaire sera réglée. Seulement voilà, les jalousies sont également au rendez-vous. Et ce qu'ignore Jean-Claude, c'est que d'autres ragots courent à son sujet. D'ailleurs, mercredi soir, à la fin du dîner, Monique, mise au courant par le voisinage, tente d'éclairer ses quelques commérages. Je t'ai téléphoné lundi au bureau, à 3h30, et on m'a dit que tu étais sortie. Tu te rappelles où tu étais ? Lundi ? Lundi dernier... Oui, j'ai déjeuné tard. Est-ce que tu as une aventure ? C'est un peu fort, cette accusation. Merde. Suffit que je déjeune tard dans un boui-boui quelconque, et c'est forcément que je baise. Oui ou non ? Non, pas du tout. Si c'est vrai, je veux savoir. Je ne veux pas que tu mentes. Ça me bouleverserait, bien sûr, mais moins que si tu mentais. Ce serait terrible si tu me mentais. C'est de la parano. Après tout, si quelqu'un peut faire une belle parano, je t'assure que c'est moi. Jean-Claude est réellement surpris de cette accusation et il affirme à Monique que oui, lundi dernier, il a déjeuné tard parce qu'il fêtait avec ses potes sa probable promotion dans la boîte. Il voulait lui faire la surprise, mais franchement, il explique à Monique qu'elle devrait faire attention aux ragots du quartier parce que c'est toujours la même chose. La rumeur a des antennes, elle se nourrit de cancans. Elle est bavarde et hautaine et grandit avec le temps. C'est un arbre sans racines à la sève de venin, avec des feuilles d'épines et des pommes à pépins. Ça occupe, ça converse, ça nourrit la controverse, ça pimente les passions, le sel des conversations. Mouais. Monique demeure sceptique. C'est tout de même le bruit qui court en ce moment et au salon de coiffure, et à la boulangerie, et au syndicat d'initiative. Jean-Claude est exaspéré et rappelle à Monique que de toute façon, depuis qu'ils se sont installés à Grosboules l'automne dernier, lui, Jean-Claude, il en prend plein la tronche. Au village sans prétention, j'ai mauvaise réputation. Que je me démène ou que je reste quoi, je passe pour un je ne sais quoi. Je ne fais pourtant de tort à personne en suivant mon chemin de petit bonhomme. Mais les braves gens n'aiment pas que l'on suive une autre route que. Non, les braves gens n'aime pas que l'on suive une autre route que. Tout le monde médit de moi, sauf les muets, ça va de soi. Oui, Monique reconnaît qu'en effet, ces derniers mois, Jean-Claude est souvent victime des préjugés gros boulets. D'ailleurs, elle est un peu rassurée par le discours du Jean-Claude, d'autant qu'elle lui avoue que l'après-midi même, suite à tous ces ragots, elle a confié une rumeur sur leur couple à Patrick Baudard, leur voisin. Alors du coup, je lui ai dit qu'on se quittait. Hein ? À Patrick, je lui ai dit qu'on se quittait. Quoi ? J'en pouvais plus de toutes ces niaiseries, alors pour l'arrêter, je lui ai dit qu'on se séparait. Mais ça va pas, qu'est-ce qui t'a pris, t'es folle ? Mais c'était la seule solution, vous êtes mon couple modèle, vous avez de la chance, je vous envie, je vous aime, j'en pouvais plus. Tu veux me quitter ? Mais pas du tout, c'était une façon de lui clouer le bec, t'aurais vu sa tête. Non mais on s'en fout de sa tête, tu te rends compte de ce que t'as fait, il va le répéter à tout le monde. Mais non, je lui ai dit de garder ça pour lui, que c'était pas encore officiel. Mais tu peux être sûr que ça a déjà fait le tour. Merde. Jean-Claude est fou furieux. Primo, la rumeur publique l'accuse d'adultère. Ensuite, Monique raconte aux voisins qu'ils se sont séparés. Bref, il trouve ces histoires totalement débiles et à coup sûr, le village va cancaner de plus belle. Il préfère alors aller se coucher plutôt que d'entrer dans des discussions aussi grotesques. Seulement voilà, vendredi matin, La rumeur prenait une autre tournure à Grosboul-les-Bains, puisque la gazette locale rapportait une drôle d'histoire concernant Monique. En lisant le journal ce matin, vous êtes peut-être tombé sur l'article qui décrit la journée hors du commun que j'ai vécue la semaine dernière. Habituellement, il ne se passe rien d'extraordinaire dans ma vie. Mais tout a changé jeudi dernier. Pour commencer, tout semblait et parfaitement voilà. Normal. J'ai préparé le petit déjeuner pour ma famille, effectué quelques tâches ménagères. J'ai passé mon temps à astiquer mon petit quotidien jusqu'à lui donner une brillance parfaite. Voilà pourquoi il est si incompréhensible que je me sois dirigée ensuite vers le placard de l'entrée pour m'emparer d'un revolver qui n'avait jamais servi. Que s'est-il passé à Grosboul-les-Bains jeudi matin ? Les voisins ont entendu les coups de feu, bien sûr, et dans la foulée, Jean-Claude, Monique et les mômes ont disparu. Alors forcément, les ragots font bon train, notamment vendredi en fin d'après-midi entre Patrick Baudard, le voisin, et M. Squall, l'assureur de Grosboul. Si vous voulez mon avis, sa femme le trompe. Oh, tel que je le connais, il est capable d'avoir envoyé les enfants à la campagne. Et qui sait, peut-être à l'issue d'une discussion violente, avec l'assurance vie que je leur ai faite, si l'un des deux disparaît, l'autre touche un joli paquet. Évidemment, il faudrait qu'on puisse croire à un accident. Quand on tripote des armes à feu toute la journée, vous ne croyez pas qu'il faudrait prévenir la police ? C'est ainsi que vendredi soir, Patrick Baudard, le voisin de Monique et Jean-Claude, s'est donc rendu au commissariat afin de raconter ce qu'il croit être le pire au sujet de Monique et Jean-Claude. Mais bon, le commissaire Juve en a vu d'autres. Bon, et alors ? Si on se basait sur les commérages du quartier, on arrêterait tout l'arrondissement. D'abord, qu'est-ce qui vous fait croire qu'ils aient disparu ? Ils sont plus là, plus le commissaire. Ils ont pu s'absenter. Ça fait 24 heures. Bon, d'accord, on ira jeter un coup d'œil. Et attention, monsieur le commissaire, c'est un violent. Des témoins ? Moi. Il a violemment projeté ma bicyclette sur le sol. Et j'ajoute qu'il n'a pas de vignette et qu'il s'en vante. On s'occupera de votre petite histoire plus tard. J'ai personne sous la main. Décidément, Jean-Claude a réellement une mauvaise réputation à Grosboul. Mais bon, pour l'instant, rien ne prouve en effet que Monique ait assassiné Jean-Claude, ou l'inverse. Tout cela ne sont que des commérages, pense le commissaire de notre jolie bourgade. Et il a raison, le bougre, car en réalité, la disparition temporaire de Jean-Claude, ses dernières sœurs, était plutôt liée à ses projets d'ascension professionnelle. Eh bien, mon petit Jean-Claude, on me parle beaucoup de vous en ce moment. Mais c'est bien d'avoir de l'ambition, mon petit, c'est même très bien. Vous m'avez beaucoup déçu, vous savez. Mais de quoi, Jean-Guy ? Ne me prenez pas pour un imbécile. La rumeur dit que vous voulez me pousser vers une retraite anticipée. Je vais vous casser. Mais pas du tout, Jean-Guy. Qu'est-ce que c'est que ce ramassis de conneries ? Enfin, vous avez du mal à écouter les ragots. Ils parlaient clairement de la direction des ventes. Les couloirs ne mentent jamais. Et dire que j'allais justement vous appuyer pour ce poste. Mais justement, qui est mieux que moi, Jean-Guy ? Vous plaisantez ? Je ne vais tout de même pas promouvoir un félon, un renégat, un traître. Un peu voyante, la pochette. La pochette, Jean-Claude, toujours trop. Putain ! Oui, Jean-Claude s'est donc fait virer jeudi dernier et il est allé prospecter durant deux jours dans les boîtes de la région afin de se recaser, d'où sa disparition. Quant à Monique, ses coups de feu de jeudi matin étaient... ça reste un mystère. Oui, encore une fois, les commères de Grosboul-les-Bains se sont bien fourrés le doigt dans l'œil, toujours est-il que de retour en ville. Furax d'apprendre l'ampleur des ragots qui se sont propagés en leur absence, Jean-Claude décide hier matin de saluer tous les gros boulets qu'il croit sur son chemin. Eh bien, bonjour, monsieur Simon. Est-ce que vous continuez à tuer les chats de la région ? Bien, bonjour, monsieur Simon. Dans votre charcuterie, vous les vendez comme saucissons. Bien, bonjour, madame Dupuis. Quand aurez-vous fini de tromper votre vieux mari ? Bien, bonjour, madame Dupuis. Méfiez-vous qu'il en soit averti. Au final, il n'est pas certain que les relations de voisinage du Jean-Claude à Grosboul-les-Bains s'arrangent avec cette mésaventure ce matin. Enfin bon, fin du commérage. Cela dit, à la décharge du Jean-Claude, c'est vrai que dans ce bled paumé, on nous crache tout et on nous médit bien. On nous cache tout, on nous dit rien. Plus on apprend, plus on ne sait rien. On nous informe vraiment sur rien. Avait-il un nombril ? On nous cache tout, on nous dit rien. Socrate a-t-il vu sa ciguë ? L'aventure est-elle au coin de la rue ? On nous cache tout, on nous dit rien. La vérité sur Dagobert, quel était son manager ?